الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. À la porte de Médine. À la porte de Médine, comme j'ai dit, un homme s'arrêta et brandit son épée. C'était Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul. Les compagnons, il laisse passer les compagnons. Et quand son père, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, passa à côté de lui, il l'arrêta. Et il lui dit, par Allah, tu ne rentreras à Médine que si le messager d'Allah te l'autorise. Et c'est lui. Et c'est lui le plus élevé. C'est lui le plus élevé, le plus puissant, et c'est toi le plus bas et le plus faible. هو الأعز وأنت الأذل. Abdullah ibn Ubay fut étonné de la réaction de son fils. Il n'a pas pris au sérieux ce qu'il a dit et il s'avança. Et puis Abdullah, son fils, il mit l'épée, le bout de l'épée, sur la poitrine de son père. Il a dit, tu ne rentreras pas sauf s'il te l'autorise. Wallahi la tadkhul. Je ne te laisse pas rentrer. L'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt il est intervenu, il a envoyé quelqu'un dire, le messager d'Allah t'autorise de rentrer à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa de rentrer à Médine. C'est qu'après que son fils se retira, il le laissa rentrer à Médine. La fierté de l'islam. L'islam, il a repris sa fierté. Abdullah ibn Ubay n'a plus de valeur alors qu'il était l'un des chefs de Khazraj. Bien sûr, ceci n'a fait qu'accentuer la haine dans le cœur de cet hypocrite. Ceci n'a fait qu'accentuer la haine dans le cœur de cet hypocrite. Zayd ibn Arqam. Zayd ibn Arqam qui a entendu ce qu'a dit Abdullah ibn Ubay ibn Salul, quand les compagnons l'ont démenti et ils n'ont pas cru à ce qu'il a dit, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il a mal interprété la chose et tout, était chagriné à cause de ça. Pourtant il a entendu ça, il a entendu que Abdullah ibn Ubay, il a dit ça, la yukhrijanna al-a'azz min al-adhal, que le plus puissant, le plus fort et le plus élevé sorte, va chasser le plus bas et le plus faible. Et il a été, comme j'ai dit, envahi par un immense chagrin. Le hadith, il se trouve dans le Bukhari. Et pendant ce temps-là, le prophète sallam, il reçut la révélation d'un chapitre du Coran intitulé Al-Munafiqoun, les hypocrites, dans les paroles que même que les paroles que Zayd a dit, avait rapportées, se sont attribuées au grand hypocrite qui est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et le prophète sallam, il poussa son cheval vers Zayd ibn Arqam. Et il trouva Zayd ibn Arqam en train de marcher, la tête baissée, chagriné, et puis il a pris son oreille, il a pris l'oreille, et il a dit, garçon, Allah a confirmé ce qu'a entendu cette oreille. Il a dit ça à Zayd ibn Arqam. Et le lendemain, il récita, sallallahu alayhi wa sallam, les versets de la sourate al-Munafiqoun. A'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iza ja'aka al-Munafiqoun, qalu nashhadu innaka la-Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la-Rasuluh. Wallahu yashhadu inna al-Munafiqeen la-Kadhibun. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Ils prennent leur serment comme bouclier. Ils se protègent en disant, ils font la shahada, ils font la prière, c'est pour se protéger. Pour se protéger tes mains des musulmans. Bouclier. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ce sont eux qui disent ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne raisonnent pas. هم الذين يقولون لا تنفقوا من عند رسول الله. Ne dépensez pas, ne leur donnez pas, n'aidez pas ces immigrants. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ils disent si nous retournons à Médine, le plus élevé et le plus puissant chassera le plus bas et le plus faible. Or, c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Parlons de qui ? D'Abdallah ibn Ubay. Il a dit le plus élevé, le plus puissant, c'est lui qui va chasser le plus faible. Ils disent si nous retournons à Médine, le plus élevé et le plus fort, le plus élevé et le plus puissant chassera le plus bas et le plus faible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé et il a confirmé ce qu'a entendu Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude dans l'expédition, il avait l'habitude de laisser quelqu'un en arrière de l'armée pour voir est-ce qu'ils ont oublié quelque chose, est-ce qu'ils ont laissé quelque chose. Et c'est Safwan ibn al-Mu'attil qui a cette mission. Lui, il reste toujours derrière. Il voit, ou peut-être qu'ils vont être attaqués par derrière, ou quelque chose. Donc, est-ce qu'ils ont oublié quelque chose. Donc, il avait cette mission. Et il n'avait pas passé la nuit dans le camp. Et il aperçut une silhouette. Il se dirigeait vers cette silhouette et il aperçut, il l'a reconnu. Il reconnut que c'est Aïcha parce qu'il a l'habitude de la voir avant que les versets du hijab, du voile, ne furent révélés. Il l'a reconnu. Et puis il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. En vérité, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous devons retour. C'est à lui que nous retournerons. Et Aïcha, il s'est réveillé. Quand il a entendu Safwan ibn al-Mu'attal faire l'isterja, dire ceci, il s'est réveillé. Et puis, il n'a pas échangé un mot avec Safwan ibn al-Mu'attal. Il a dit, on n'a échangé aucun mot. La seule chose que j'entendais de lui, c'est « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un »« Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Il a dit, je n'ai pas vu homme plus noble que lui. Il ramena son chameau et l'agenouilla près de Aïcha et il s'est éloigné pour ne pas la voir monter sur le chameau. Et il a parlé, il a pris la bride du chameau et est parti rapidement. Et au moment où la halte de l'armée allait prendre fin et où les hommes s'étaient déjà reposés, à la grande surprise, voilà que Aïcha, sur le chameau, conduit par Safwan ibn al-Mu'attal. Là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, toujours plein de répit, toujours plein de haine, surtout l'humiliation qu'il a endurée devant tous les compagnons, qu'il n'est rentré à Médine qu'après la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commença à chuchoter des propos médisants contre Aïcha et Safwan ibn al-Mu'attal. Il commença à chuchoter des propos médisants, commença à toucher à la réputation de Aïcha radiallahu anha. Il n'a pas annoncé clairement l'accusation. Il ne l'a pas annoncé clairement. Mais avec la propagation, chacun y transmet, chacun y ajoute sur la chose, jusqu'à ce que fût l'accusation de zina, de l'adultère, directement. Lui, il était insidieux. Et il était rusé. Il n'a pas mentionné. Il a dit peut-être qu'il ne se sait pas sauver d'elle et elle ne s'est pas sauvée de lui. La naja minha ما أظن أنه نجا منها ولا نجت منه. C'est ce qu'il a dit. Il a juste insinué. Et ce fut l'accusation, ce fut la diffamation, ce fut l'ifk dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. Qissat al-ifk. Al-ifk. Alors, juste après son retour à Médine, Aïcha, elle tomba malade. Radiallahu anha. Il a dit, je n'ai pas été consciente du trouble. Tout le monde fut agité, un scandale si vous voulez. Agité par ces propos médisants. Et Aïcha, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant de ce que disaient les gens. Jamais elle n'a pensé à une chose pareille. Et elle tomba malade. Et il ne remarqua rien du tout, il ne remarqua rien de aucun changement, sauf une certaine réserve de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une certaine réserve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, ne s'occupait pas d'elle comme avant. Surtout quand elle tombe malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montra une certaine attention, une certaine affection, il essaie de la faire rire, de la consoler, mais cette fois, non, cette fois, il ne dit rien. Quand il rentre, il dit « Kayfati, comment va-t-elle ?» Il ne la nomme même pas. Il dit « Comment va-t-elle ?» Il a remarqué ça, Aïcha radiallahu anha. Et il a été peiné par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette froideur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il demanda d'aller chez sa mère. Malade, affligé par la maladie, et en plus le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers elle, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, me permets-tu d'aller chez ma mère, assisté par ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa d'aller voir sa mère, Umm Rumayn radiallahu anha. Durant cette période, la Médine, secouée par ce trouble-là, la médisance, les propos médisants, l'accusation de l'adultère contre la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, et durant ce temps-là, la révélation fut, Allah subhanahu wa ta'ala interrompa la révélation. Presque un mois d'interruption. Qui dit révélation dit miséricorde. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. On fait descendre du Coran, on fait descendre le Coran avec, on fait descendre du Coran ce qui est miséricorde, une guérison pour les croyants. Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il a voulu punir les gens. Ces gens-là qui propageaient. Pourtant, les musulmans, ils propageaient les propos médisants sur cette déqa, la véridique, Aïcha radiallahu anha. La valeur, la grandeur de ce péché, le fait de dire des choses, le fait de ne pas être, de dire des choses dont on n'est pas sûr, de propager des choses sur des gens dont on n'est pas sûr, c'est grave. Le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a châtiés en arrêtant carrément le wahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait toujours, il a voulu qu'il recevoir une confirmation d'Allah sur ce qui s'est passé. Il attendait la révélation, il espérait, mais comme rien ne venait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué les plus proches, ses plus proches parents, à savoir Ali radiallahu anhu et Zayd, et Osama ibn Zayd radiallahu anhumah. Osama, il a dit, c'est ta famille, c'est ton épouse, et nous, on nous connaît, nous ne connaissons d'elle que du bien. Nous ne connaissons d'Aïcha que du bien. Tout ça, ce n'est que du faux, tout ça n'est que de pur mensonge. Ali, radiallahu anhu, il a dit, Allah ne t'a pas limité. Il y a bien des femmes en dehors. Si le problème s'est créé à cause d'elle, donc il y a d'autres femmes. Tu peux choisir les femmes que tu veux. Mais cependant, il a conseillé le professeur, il a dit, interroge la servante, la servante de Aïcha. On sait que la servante, avec sa maîtresse, ils sont toujours, il y a une confidence. Il a dit, interroge la servante. Jusqu'à quel point la rumeur s'est transmise jusqu'à quel point le trouble, toute Médine a été victime de ce trouble, à cause des hypocrites, à cause des langues des hypocrites, et à cause aussi des musulmans qui écoutent ces hypocrites-là, qui les aident et qui propagent sans... Ils n'avaient pas l'intention de toucher à Aïcha, mais ils doutaient de ça. Ils étaient influencés par les hypocrites. Le danger de ne pas des hypocrites. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit monter l'esclave, la servante, et lui dit, il s'appelle Bureira, il a dit, « Oh Bureira, as-tu jamais vu chez Aïcha quelque chose qui te la rende suspecte ?» Et Bureira a répondu, il a dit, « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais d'elle que du bien. Si l'on était autrement, Allah en informerait son envoyé. Je ne sais rien que l'on puisse reprocher à Aïcha. Je la connais très bien. » Il a dit, « Sinon... » avec la simplicité de ses propos, avec il a dit, sinon, qu'elle est une fille encore jeune et que lorsque je pétris la pâte et que je lui demande de la surveiller, elle s'endort et la brebis vient, elle mange cette pâte-là. La seule chose, avec la simplicité d'une femme honnête, naïve, il a dit, c'est ce que je lui reproche, c'est la seule chose, et il a juré que c'est la seule chose qu'il reproche à Aïcha, pas d'autre chose. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit pour la prière, il monta sur le minbar et après avoir exalté Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'adressa aux fidèles, et il dit aux gens, que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent? Que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent à travers des membres de ma famille? En répondant sur eux, des faux bruits. Par Allah, je ne connais que du bien des gens de ma famille. Je ne connais que du bien des gens de ma maison et que du bien de l'homme dont il parle, qui n'est jamais entré dans ma maison sans que je sois avec lui. Parlons de Aïcha et de sa foi, Ibn Mu'attal. Cet homme, il a dit, je le connais et il ne rentre chez moi qu'avec ma compagnie. Jamais il ne rentrait sans que je sois là. Pourquoi vous propagez des choses pareilles sur lui? Et à peine avait-il parlé au Sayyid ibn Khadir, il se leva et parla ainsi. Il a dit, envoyé d'Allah, si ces hommes sont des Aousites, il fait partie de Aous, au Sayyid ibn Khadir, si ces hommes sont des Aousites, nous nous occuperons d'eux. Et s'ils appartiennent à nos frères de Khazraj, tu n'as qu'à nous passer un ordre, car ils méritent d'être décapité. J'ai dit, si c'est des Aous, on va s'occuper d'eux. Mais si c'est nos frères les Khazraj, donne-nous l'ordre, on va leur couper la tête. Parce qu'il sait qu'Abdullah ibn Ubay, il fait partie de Khazraj. Et il sait aussi que Hassan ibn Thabit, il fait partie de Khazraj. Et Hassan ibn Thabit est tombé dans le piège des hypocrites et il a accusé Aïcha radiallahu anha. Avant qu'il eût terminé ses propos, que Sa'd ibn Ubadah radiallahu anhu était déjà debout, et puis, bon, pour défendre Hassan ibn Thabit, il a dit, tu mens, par Allah tu mens, vous ne le tuerez pas, vous ne le pouvez pas, si tu n'aurais jamais dit une chose pareille, si cette personne, il fait partie des Aous. Tu l'as dit exprès parce que tu sais qu'il fait partie du Khazraj, tu n'es pas juste. Il a été emporté par tellement l'événement, par tellement le chuchotement, la médisance. Il a été emporté par cette vague et il ne s'est pas contrôlé. Il a dit ça. Et au Sayyid Mahdir, il a dit, il a dit par Allah, c'est toi qui es le menteur. Il a dit, nous les tuerons. Il a dit, nous les tuerons assurément, car tu es un hypocrite manœuvrant au nom des hypocrites. Ça veut dire que tu les protèges. Tu sais que Ubay, c'est lui qui a dit telle chose, et commencèrent à se quereller. Et le professeur Salam les calma, il a dit, taisez-vous, arrêtez. Il descendit de le manbar et il est rentré chez lui. Tout ça, Aïcha n'est au courant de rien. Malade, il n'a remarqué que la froideur, certaine froideur du professeur Salam, et il est resté chez sa mère. Il n'a rien remarqué de ce qui s'est passé à Médine. de ce qui s'est passé à Médine. Et un jour, alors qu'il sortait avec la mère de Mistah ibn Uthata, une femme, une des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sortait avec cette femme-là, cette femme est la mère de Mistah. Mistah, c'est l'un des émigrants qui a participé à la bataille de Badr. Et il est sorti avec elle un soir, et alors qu'elle marchait à son côté, la mère de Mistah trébucha sur sa robe et s'écria: malheur à Mistah. Que trébuche Mistah, malheur à Mistah. Et Aïcha, il a répondu, il a dit qu'Allah ne plaise. Il a dit, voilà donc une parole, une vilaine chose à dire. Comment tu dis une chose pareille sur quelqu'un qui fait partie des gens de Badr, qui a participé à la bataille de Badr? Et Umm Mistah a répondu, oh fille d'Abu Bakr, se peut-il que la nouvelle ne t'est pas atteinte? Il a dit, quelle nouvelle, j'ai rien entendu. Et alors Umm Mistah, il a fait le récit, il a parlé de la diffamation et de la façon dont cette diffamation se colportait. Et Aïcha, il retomba malade à cause de ce qu'a dit Umm Mistah, et il retourna chez elle, directement il retourna chez sa mère, et il appela sa mère, il a dit, mère, qu'Allah te pardonne, les gens parlent et tu ne m'en souffles pas un mot. Et sa mère, Umm Ruman radiallahu anha, elle a dit, ma petite fille, ne le prends pas si à cœur, par Allah, il est rare qu'une femme belle mariée à un homme qu'il aime échappe au désagrément que multiplient contre elle les autres épouses. Il a dit, ne prends pas les choses à cœur. Et Aïcha, il est resté éveillé toute la nuit, en train de pleurer, deux jours, en train de pleurer. Il a dit, j'ai pleuré jusqu'à me fondre le cœur. Subhanallah, l'innocente, comment les gens osent dire une telle chose sur elle, radiallahu anha. Et alors là, un jour quand elle était chez ses parents, une femme parmi les Ansar est venue voir Aïcha, et il a demandé permission pour rentrer voir Aïcha dans sa chambre, et Aïcha lui a permis, puis s'est assise, cette femme Ansarite près de Aïcha, commença à pleurer avec elle pour la consoler, pour la réconforter. Et le professeur sallam, pendant ce temps là, il rentra, il dit, oh Aïcha, et ça s'assit près de Aïcha, il lui dit, oh Aïcha, on m'a dit telle et telle chose sur toi, et si tu es innocente, Allah ne manquera pas de proclamer ton innocence, et si tu as fait quelque chose de mal, demande-en pardon à Allah et repens-toi. Car en vérité, si le serviteur d'Allah demande pardon et se repent à Allah, Allah lui pardonne. Et Aïcha, il le regarde étonné, comment il doute d'elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il se tourna vers son père, il a dit, père, réponds à l'envoyé d'Allah, réponds. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, je ne sais pas que dire à l'envoyé d'Allah. Et il se tourna vers sa mère, il a dit, réponds. Réponds à l'envoyé d'Allah pour moi. Mère, réponds à l'envoyé d'Allah pour moi. Défends-moi. Et sa mère, il a dit pareil. Il a dit, je ne sais pas que dire à l'envoyé d'Allah. Subhanallah. Tellement une grande épreuve. C'est l'une des grandes épreuves de Aïcha et de Abu Bakr radiallahu anhu et de sa mère. Et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, étonnée de les voir comme ça, douter de son innocence, etc., il a dit, je sais bien que vous avez entendu ce que les gens disent, que cela est entré dans vos âmes, et que vous l'avez cru. Si donc je vous dis que je suis innocente, et Allah sait que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Tandis que si je vous avouais que j'ai commis ce dont Allah sait que je suis innocente, vous me croirez. Si je vous avoue, alors qu'Allah sait que je suis innocente, vous allez me croire. Puis, il a dit, entre vous et moi, je ne vous dirai qu'une chose, c'est ce qu'a dit, et puis il commença à se rappeler, et il a oublié le nom de Yaqub, alayhi salam. Et quand il chercha à se rappeler le nom de Yaqub, puis il a dit, Abu Yusuf, tellement il était troublé, il a dit, je ne vous dis que ce qu'a dit Abu Yusuf à ses fils. Il a dit Fasabarun Jamil, Wallahu al-Musta'anu ala ma tasifun. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Allah vienne m'aider contre ce que vous racontez. Et puis, il raconte elle-même, la version de Bukhari, il dit à Aïcha radiallahu anha, j'allais alors m'étendre sur ma couche, espérant qu'Allah me déclarerait innocente. Quand le Prophète lui a dit ça, il a dit repends-toi, il a dit que quand il a dit ça, aucune goutte n'a pu sortir de mes yeux. Ça y est, mes yeux se sont desséchés. Le Prophète sallam, il doute d'elle. Et puis, elle, il a dit, elle espérait qu'Allah l'innocenterait. Et il a dit une chose, il a dit, je ne pensais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler de moi dans le Coran. Parce que je me trouvais trop insignifiante. Qui je suis pour qu'Allah parle de moi dans le Coran? Qui je suis pour qu'Allah révèle à son prophète des versets parlant de moi? Et il a dit, tout ce que je souhaite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra dans le songe, dans le rêve, parce que le songe des prophètes, il est véridique, quelque chose qui m'innocenterait. Et il se retirait, radiallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta un moment. Il resta un moment, puis il fut touché par, les agitations. Quand il reçoit la révélation, il reçoit une certaine pression, il montre certains signes que des perles de sueur, il coule sur son visage et son corps, et que Abu Bakr radiallahu anhu et Omar Oman, ils connaissent les manifestations de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment-là, il commence à avoir ces signes-là. Et Abu Bakr, quand il le voit, il a dit « Jamais je n'ai été mis à l'épreuve qu'à ce moment-là. » Il a dit « J'avais peur que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation qui confirmait ce que disent les gens. » Il a dit « J'étais dans une situation critique. » Et Aïcha, il a dit « Wallahi, il a dit, cette révélation, cette manifestation ne m'a même pas troublé parce que je savais que je suis innocente. Et puis, lorsque la pression, il fut relâché, le prophète sallam a reçu la révélation et il dit d'une voix vibrante de joie, « Oh Aïcha, loue Allah car il t'a déclaré innocente. » Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré que Aïcha était innocente par les versets du Coran. Coran. Qu'on lira jusqu'au jour dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté, Aïcha, la véridique, la fille du véridique. Et puis Umm Roman, la mère de Aïcha, elle a dit, lève-toi et va vers l'envoyé d'Allah. Lève-toi et réjouis et tout, il a dit, Aïcha, lève-toi et va vers l'envoyé d'Allah. Il a dit, par Allah, je n'irai pas le voir. Il a dit, je n'irai pas à lui et je ne louerai qu'Allah. Tellement il a été touché par les propos médisants des gens, il a dit ceci. Il a dit, la ahmadu illallah, je la aqumu ilayh, wallahi la aqumu ilayh. Radiallahu anha. Les paroles divines qui ne sont Aïcha, radiallahu anha, dans Sourate An-Nur. Inna alladhina ja'u bil ifki, usbatun minkum. Sourate An-Nur. Inna alladhina ja'u bil ifki, usbatun minkum. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. Ceux qui sont venus avec la calomnie, l'ifk, la calomnie, la diffamation, mensonger, les paroles mensongères, ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous, à chacun d'eux, ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande part, ce fut qui? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'est lui qui était en arrière-plan. C'est lui qui propageait. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente » Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué la position de Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu. Abu Ayyub, ce verset-là, il fut révélé à son propos, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a complimenté. Il a dit à son propos ce verset-là. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ مُبِينٌ. Lorsque vous l'avez entendu, vous devez conjecturer favorablement. Vous ne devez pas avoir d'arrière-pensée et vous devez dire que c'est du pur mensonge. Abu Ayyub, sa femme, vint lui dire, Abu Ayyub, est-ce que tu as entendu? T'as entendu ce qui se passe à Médine? Il a dit oui. Et Om Ayyub, il a dit, qu'en penses-tu? Puis il a dit, Om Ayyub, est-ce que toi tu oses faire ceci? Est-ce que toi tu oses faire ce genre de choses, ce qu'ils disent de Aïssa, tu oses le faire? Il a dit, Allah ne plaise, jamais je le ferai. Il a dit, est-ce que moi je peux le faire? Est-ce que moi j'ose faire ceci? Il a dit, jamais. Je t'ai jamais connu, je t'ai connu toujours vers le droit chemin. Jamais je crois que tu pourrais le faire. Et il a dit, Aïcha est mieux que toi, est meilleur que toi, est plus pudique. Et Safwan ibn Mu'attal, il est mieux que moi. Ah, solution, raisonnement clair et net. Radiallahu anhu. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Alors, il faut toujours s'assurer, il faut toujours qu'il y ait des témoins. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations quatre témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché par cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Allah subhanahu wa ta'ala a failli jeter un châtiment, tout le monde à cause de cette calomnie. Voilà la médisance, les conséquences de la médisance, le trouble que ça crée d'écouter les hypocrites. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقوه بألسنتكم. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Ya'izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin. Ya'izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Il vous met en garde, ne revenez jamais à une chose pareille. Wa yubayyinullahu lakum al-ayat. Wallahu alimun hakim. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. الَّذِينَ يُرِيدُونَ تَشِيعَ. Il aime que la turpitude se propage. Adi Musaiba. La turpitude se propage parmi les croyants. Ils veulent toucher la réputation des croyants. Et ici, ils touchent la réputation de Aisha radiallahu anha. La meilleure des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hafid al-Zahabi. Le grand savant Al-Hafid al-Zahabi qui sort de l'école salafi d'Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, al-Hafiz al-Zahabi, tous ceux-là sont les élèves d'Ibn Taymiyyah. Dans Kitab Sir A'lam al-Nubala, quand il parle de la biographie des hommes, il parle de Aïcha. Puis il a ramené des propos sur la divergence des savants, qui est la meilleure. Est-ce que c'est Aïcha ou Khadija? Et puis il a dit, je n'arrive pas à trancher. Je n'arrive pas à trancher qui la meilleure, est-ce que c'est Aïcha ou c'est Khadija. Tout ce dont je suis sûr, une chose, c'est que Aïcha c'est la plus savante femme sur terre. La plus savante. Je suis sûr que c'est Afqahu Nisa et Ahl al-Ard. Première chose. Deuxième chose, c'est que je suis sûr que c'est la compagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Hadi Sirat Aïcha radiallahu anha. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم et que les bonnes personnes et les détenteurs d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah qu'il pardonne et absolve n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonneur et miséricordieux. Abu Bakr radiallahu anhu. Ce verset se révélait à propos de Abu Bakr. Abu Bakr, il avait pris l'habitude de verser régulièrement à Misbah ibn Utata, celui qui a déclaré clairement que l'adultère. Abu Bakr avait l'habitude de verser régulièrement à Misbah, qui faisait déjà partie de sa parenté, une certaine somme d'argent, une allocation. Il lui donne chaque mois ou une allocation, une espèce. Et à la suite de cet incident, il déclare, il a dit jamais plus, par Allah, je ne donnerai quelque chose à Mestah, et jamais plus je ne lui accorderai une faveur, après ce qu'il a dit contre Aïcha, et après le chagrin qu'il nous a causé. Tellement il a été touché, Abu Bakr radiallahu anhu, la réputation, c'est très important. Il touche la réputation de sa propre fille, la réputation à lui, son honneur. Subhanallah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il révéla, ala tuhibbuna ayyughfara lakum, qu'il pardonne, déjà qu'il pardonne et absolve, falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyughfara lakum, n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand Abu Bakr il a entendu ce verset, il a dit, si, je veux qu'Allah me pardonne. Et il courut vers Mistah et il lui dit, je te remets cette allocation que je te donnais d'habitude, je vais la remettre. Je veux qu'Allah me pardonne. Radiallahu anhu, Abu Bakr. Il ne lui retira pas ce don. Inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes, Aïcha radiallahu anha, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Ils auront un énorme châtiment. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoignèrent contre eux, témoigneront contre eux tout ce qu'ils faisaient. Tous ceux qui disent du mal sur eux et sur Aïcha radiallahu anha, tous ceux qu'après, parce qu'il y avait le problème entre Mouawiya et Ali, tout ce qui s'est passé après, tous ceux qui disent du mal sur Aïcha, ces versets-là, ils répondent. Celui qui propage, qui touche à la réputation de Aïcha, il propage des fausses accusations sur elle. Ceux-là sont les alliés de qui? Sont les alliés de Abdullah ibn Ubay ibn Saloun. Sont les alliés de Abdullah ibn Ubay ibn Saloun. Il y avait un vrai allié après la fitna, qui est Abdullah ibn Saba' al-Yahoudi. Abdullah ibn Saba' le juif. C'est lui qui a créé la discorde entre les musulmans. S'il est pareil, c'est la même graine de l'hypocrisie. Donc, tous ceux qui touchent à la réputation d'Aïcha, ces versets-là répondent. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui la défend. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la sanction à appliquer contre ceux qui ont diffamé Aïcha, la femme honorable, sans preuve. Donc 80 coups de fouet. 80 jalda. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans preuve, sans ramener 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. 80 جلدة. Tu dis quelque chose, tu touches à la réputation d'un homme et tu rentres tranquille chez toi. Non, l'islam, il est juste. 80 coups de fouet. Allah. Comment parce que la religion, elle est venue, pourquoi? Pour protéger l'islam. Les lois, elles sont venues pour protéger d'abord la religion de la personne, pour protéger son honneur, pour protéger ses biens. On coupe la main du voleur si jamais ses biens sont volés, ou bien s'il lèse quelqu'un, il est injuste envers quelqu'un, il lui prend son argent. Il y a des juges, il y a les lois du saint qui s'appliquent pour que le lésé, il aura son droit. 80 coups de fouet. Cette sentence, elle fut appliquée à Mistah ibn Usayd, pourtant un Badrit. Pourquoi? Il a entendu il a répété ce qu'ont dit les hypocrites. 80 coups de fouet contre Mistah ibn Usayd. Quant à 80 coups de fouet contre Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, qui il défend par la langue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est tombé dans le piège des hypocrites. Voilà la médisance, le danger de la médisance. Lui qui répond, il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit réponds-leur, réponds aux mécréants par tes poèmes. Réponds. Et Waruh al-Qudus ma'ak, le Saint-Esprit est avec toi, c'est-à-dire Jibril, il est avec toi. C'est comme un écrivain ou un journaliste qui écrit toujours un article qui défend l'islam et tout. Avec les moyens de l'époque, c'était comme ça. Il répond par les poèmes et il est tombé dans le piège des hypocrites. Il fut tombé dans le piège des hypocrites également Hamna bint Jahsh. Hamna bint Jahsh, c'est la sœur de Zainab ibn bint Jahsh. Inch'Allah, on va parler du mariage parce que à ce moment-là, le prophète sallam s'est marié avec Zainab bint Jahsh. Et Hamna bint Jahsh, il a voulu défendre sa sœur, il a voulu œuvrer dans l'intérêt de sa sœur et il a propagé cette calomnie sur Aïcha. Il fut fouetté également. Zainab bint Jahsh, c'était la plus grande rivale de Aïcha. Parce qu'après Aïcha, le prophète sallam, il aime plus Zainab, radiallahu anha. Et quand le prophète est allé la voir, Zainab lui a dit, qu'en penses-tu? Il a dit, envoyé d'Allah, je ne connais d'elle que du bien. Aïcha l'a dit que son iman l'a protégée, sa virtuosité l'a protégée. Elle était croyante. Sauf le danger de la médisance, ça crée un trouble. Un mois, le jihad s'est arrêté. Un mois, il n'y a pas de révélation. À cause de le danger intérieur, il est plus grand, il a beaucoup plus d'effet que les armes des ennemis, que les ennemis eux-mêmes. La médisance, c'est ce qui se passe maintenant. Subhanallah. On dit des mots, on propage du mal, on touche à la réputation des savants. On touche à la réputation des savants. Donc ces versets-là, ils répondent, ils disent qu'il ne faut pas propager une chose pareille. Il ne faut pas douter les gens sur la véracité ou sur l'équité de tel savant ou de telle personne. N'en parlons pas des gens normaux. Parlons de nous, de Al-Sunna al-Jama'a, de Al-Salaf. Le problème maintenant, dans beaucoup de pays, subhanallah, les salafis divergent entre eux. Il parle de tel savant, il touche à sa réputation, il dit qu'il est dévié dans sa voie, il est dévié dans... Subhanallah. C'est ça qui... Ça retarde tout. Ça retarde la miséricorde d'Allah, ça retarde le jihad, ça a tout retardé. À midi, ça a retardé beaucoup de choses. Le prophète sallam a été troublé avec ça. Il ne parlait même pas à Aïcha, il ne s'occupait que de ce problème. Les compagnons entre eux, déjà, ils se querellaient, subhanallah, ils dégainent l'épée, alors qu'il y avait l'ukhuwa, le mahabba entre eux. On regarde le problème de la médisance, le danger de la médisance. Subhanakallah, bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa